tu at-talibati. Non. Donc là on va dire talibati. Pourquoi? Parce qu'il est maful bihi et il est jam wa nathalim, il est au jam là. Donc alamat an-nasb bihi al kasra. Le signe de son nasb, ça va être quoi? La kasra. Jim, qara'tu al-mujalla. Al majalla, j'ai lu le magazine. Donc là majalla, il est maful bihi, donc tu dis majallata. Au jam comment tu vas dire? قرأت المجلات. مجلات. مجلات. نعم. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والبحار والأرض والسماوات. طيب. لا يبقون. ها؟ نعم. يبقون كسرة. سماوات. سماوات. تجمع أنث سالم. تجمع السماء. يبقون كسرة. Maintenant, tu vas lire. Oh, je t'ai volé la phrase. Après, je crois que c'est toujours les exemples. En fait, non, c'est l'exercice qui a commencé. Donc, toi, tu vas lire les phrases suivantes et tu vas mettre le harakat. Taïb. Jumla thaniya. Tfaddal. Sa'ala al-abu abna. El. Al-abna'i. Al-abna'u. Al-abna'a. Aïe, ma foi, lui. سأل الأب الأبناء و والبنات والبنات نعم le père a interrogé questionné les fils et les filles. ثالثا كتبت هذه الكلمات نعم هذه الكلمات رابعا tu as écrit ces mots. رابعا رأيت الطباء نعم والطبيبات نعم j'ai vu les médecins hommes et les médecins femmes. خامسا غسل الولد لا غسل الولد السيارة لا السيارة أيوة المفرد لا attention l'enfant a lavé la voiture si elle était au jam نعم t'aurais dit السيارات mais là il est au مفرد. سادسا غسل الولد السيارات maintenant il est mis là l'enfant a lavé les voitures. سابعا أخذت الريالات يبني نعم As-tu pris des riyals, ô mon fils? Thaminan. Sa'ala Bilalun Zumala'ahu. Non, Bilal a interrogé ses camarades. Taïb. Tafian. Sa'alat Zainabu Zamilat. Tiha. Ahsant. Zeynep a interrogé ses camarades à elle. Ashiran. Qara'tu al-kitabu. La, jam. Qara'tu al-kutub wa-s-suhufa. Wa-s-suhuf. Wa-s-suhuf. Wa-l-majallati. Non. Ahsant. J'ai lu les livres, les journaux et les magazines. Hadi Ashar. رأيت إخوة حامدين وأخواته نعم وأخواته ثاني عشر قرأنا هذه صفحات نعم on a lu nous avons lu ces pages مفهوم هذا فعلا attention à ça الجم والثالم parce qu'il est منصوب c'est avec une kasra et non avec une fatha. تاسعا تأمل المثال ثم أدخل حمزة الاستفهام على الجمل الآتية. Donc ça pareil, c'est encore un vers qui correspond à l'imla, l'écriture. Il dit البحار جم بحر. طيب بحار c'est le جم de بحر, de la mer. L'origine, si tu poses une question avec حمزة الاستفهام, comme tu te rappelles dans le texte, j'avais repris un moment. J'avais dit البحار. Tu te rappelles? Donc là, il va t'expliquer pourquoi. à la base, comment on dit? On dirait « est al-biharu jam bah ». Cependant, lorsqu'un hamzat l'istifham, il vient devant un alif wal-lam, on l'inclut dedans. On fait un idrom. Vous voyez, pour faire un idrom, on le rentre dedans, on le mélange à lui. Et après, il s'écrit avec quoi? Avec un mouj. Mouj, une vague. Donc tu veux dire quoi? Al-biharu jambah. Dans le Coran, tu vas le trouver. Allah azna lakum, masalan. Ou al-an, ou quand arsaita min qabl. Maintenant, en fait, c'est hamzat l'istifham et après al-an. Donc comme on met le doigt, on va dire al-an. Tu vois, ça va faire un med. Et en fait, c'est un hamzat l'istifham suivi d'un alif wal-lam. Donc, comme il te dit, hamzat l'istifham suivi de alif wal-lam, tu vas dire al, et après tu vas avec la suite du mot. Et tu l'écris avec un mouj au-dessus, une vague. Toi, tu vas lire les phrases suivantes. Moi, je lis en premier. Toi, tu le lis avec hamzat l'istifham en premier, en début de phrase. Awalan, al-an, kharajta. Tu es sorti maintenant. Comment tu vas dire? Al-an. Non, si, Al-an, kharajta. Non. Et tu es sorti maintenant? Là, ça donne quoi? Une question. Thanyan, al-yoma raja'a abouka min Damashq. Donc ton père est revenu de Damashq aujourd'hui. Comment tu vas dire? Avec une question. Al-yoma raja'a abouka min Damashq. Non, Damashq. Thalifan, al-mudarrisu maridun. L'enseignant est malade. Comment tu vas poser la question? Al-mudarrisu maridun. Non. Rabian, al-mudiru qale hakaza. Le directeur a dit telle chose, ou a dit de telle façon. Comment tu vas dire? Al-mudiru qala hakada. Naam. Khamisan, at-talibu al-jadidu kasara ad al-kursiya. Donc le nouvel élève a cassé la chaise, ou cette chaise. Al-talibu jadidu kasara ad al-kursiya. Naam. Sadisan, az-talibu darabak. Cet élève t'a frappé. Comment tu vas dire? Ahadat talibu darabak. Maintenant il dit quoi? Ta'amil al-misal thumma ajib an al-as'ilati al-atiya ala ghirarihi. Donc il dit, lui l'exemple et ensuite répond question en se basant dessus. Soit l'awwal man khalaqaka, qui t'a créé? Tu dis khalaqani Allah. Donc là, attention, on a mis un noun. Ce noun, comment on avait dit qu'il s'appelle? Khalaqani noun al-wiqaya. Vous voyez, il s'appelle noun al-wiqaya. Comme dans ka'annani ou innani ou annani. C'est le même noun. C'est un noun qu'on met entre un mot qui est une fatha qu'on ne peut pas changer pour passer à quoi? Un yad mutakallim. On ne peut pas dire khalaqai. Donc on est obligé de mettre un noun pour faire une forme de passerelle entre les deux. Vous voyez? Donc là, tu vas répondre aux questions suivantes en te basant sur la même formule que celle citée là. Khalaqani Allah, avec le noun. Moi je dis, man darabaka, qui t'a frappé? Darabani abi. Naam. Thaniyan, man sa'alaka ad as-su'al, qui t'a posé cette question? Sa'alani al-ustad. Non, j'ai été interrogé par le professeur. Thalithan, araka al-mudarrisu fil masjid. Est-ce que l'enseignant t'a vu dans la mosquée? Ra'ani al-mudarrisu fil masjid. Non, il n'y a pas de hamza là. Tu dis, t'as dit arani? Non, j'ai dit ra'ani. Ra'ani. Ah, j'ai pas entendu Ra'ani. J'ai entendu Ra'ani. Non. Ta'amel el kalimat el atiya. Donc là, c'est kalimat ma'na, qui veut dire sens. Vous voyez? Toi, quand tu veux demander comment on dit ça, tu veux dire ma ma'na kada. Par exemple, tu veux dire que veut dire tel mot, tu veux dire ma ma'na hadil kalimat. Et ma'na, c'est ism, comme on avait écrit, mankous. Opel, maksour, avec un alif à la fin.

دخلنا الفصل الآن من الهندي. Donc celui-là pareil à la maison. T'as trois phrases. Alhamdulillah. Maintenant, il va te donner quoi les asma al-mawsoula? Le muzakkar, le mufrad. Tu vas dire man il fata alladhi dakhala al-fasl an. Donc l'isma mawsoul le muzakkar, le mufrad c'est alladhi. طيب الذي. Qui est le garçon qui vient de rentrer dans la classe. Et le jam, ça va être quoi? Alladhina. Alladhina, comment tu dis? Man il fityatu alladhina dakhalu al-fasl an. Donc le jam c'est alladhina. Ça c'est pour le muzakkar. Pour le muannath, al-mufrad, ça va être quoi? Man il fatatu allati dakharat al-fasl al-an. Donc qui est la jeune fille qui vient de rentrer dans la classe? Donc c'est quoi? Allati. Voyez, allati. Et le jam ça va être quoi? Man il fatatu, voyez, avec Ahmed, allati dakhalna al-fasl al-an. Donc là, le mois 9, djam, c'est quoi? Lati. Ça, c'est déjà connu, alhamdoulilah. Il y a aussi le mot moussanna, il n'a pas encore donné. C'est lazani ou latani. Les deux hommes ou les deux femmes. Khamis Hachar. Kowin jumalan mustamilan kalimati al-atiya. Donc il dit, il veut que tu fasses des phrases en utilisant les mots en dessous. Rafa'a, qui veut dire lever. Khalaqa, qui veut dire créer. Aada qui veut dire revenir. Al-Jad qui veut dire le grand-père. Mimma de quoi. Bima par quoi ou avec quoi. Ou Lima pourquoi. Ou Amma à quel propos, quel sujet, ainsi de suite. Tayyib al-Kalimat al-Jadida, les nouveaux mots. Qa'ima, le diam c'est Qa'im. Qa'ima c'est une liste. Par exemple sur le portable ça va être, ou l'ordinateur, Qa'ima c'est le menu aussi. C'est un lien, un rapport. Vous voyez, avoir un lien, avoir un rapport. Hadra, c'est un fi'l madi qui veut dire venir ou se présenter, être présent. Ma'na, ça veut dire sens. Lahzatun, ça veut dire un instant. Vous voyez, un instant. Khalaqa, ma'louf, c'est un fi'l madi qui veut dire créer. Tinun, c'est la terre, l'argile, la boue. Jarasun, le jam ajras, c'est cloche. Un sonoï. Rafa'a, ça veut dire lever. Rafa'a yada, il a levé sa main. C'est un fi'l madi. Narun, ma'louf, le feu. Iddatun, plusieurs. Iddatun, plusieurs. Ou ahsanta, en fait ça c'est le verbe ahsana. Quand je dis ahsanta c'est pour te complimenter pour une chose. Je dis ahsanta, tu as bien fait. Par exemple si tu poses une question, man khalaqaka, tu dis khalaqani Allah, veut dire ahsanta. Tu voudras dire tu as bien répondu. Genre en termes plus familiers, bien joué. Quand même. Rana. Rana c'est sonner, retentir. Rana al-jaras, la sonnerie a retenti. Il est dedans? Ah ouais, je ne l'ai pas vu, il est tombé à l'âme. Ranna yarinno. Ma foum ders? Taïeb. On a pu le hamdoulilah, l'abdoulilah.